La dernière fée par Jules Sandeau. Chapitre 1er. J'avais 16 ans passés quand elle m'apparut pour la première fois. Ce fut, je m'en souviens, par un beau soir de mai. J'étais sorti seul de la ville. J'allais sans but à travers champs, rêveur, inquiet, sans savoir pourquoi. J'étais ainsi depuis quelque temps et j'avais goût à la solitude. Je vis le soleil s'abîmer dans une mer de pourpre et d'or, les ombres descendre des coteaux dans la plaine, les étoiles s'allumaient une à une dans le bleu du ciel, les rainettes chantaient sur le bord des étangs, les trilles du rossignol éclataient à longs intervalles. J'entendais aussi le feuillage ému frissonner, et les grandes herbes se courbaient sous la brise avec un murmure triste et doux. La lune, qui s'est élevée toute rouge à l'horizon, dormait, blanche et radieuse, sur la nacre d'un banc de nuages d'où ses rayons tombaient à flots d'argent sur les épaules de la nuit. L'air tiède était chargé de senteurs enivrantes. J'écoutais, le long des haies en fleurs, de petits cris d'oiseaux qui se caressaient dans leur nid. J'allais, ouvrant mon âme à toutes ces rumeurs et à tous ces parfums, lorsque j'aperçus une troupe de jeunes filles qui se tenaient par la main et retournaient à la ville en chantant. Elles chantaient en chœur le printemps et l'amour. Leurs voix fraîches vibraient dans le silence des champs endormis comme un bruit lointain de cascade. Je me cachai derrière un buisson d'aubépine et je les vis passer, pareil à un essaim de ces blanches ombres qui s'assemblent la nuit autour des lacs pour former des danses légères et s'évanouissent aux premières clartés de l'aube. Je distinguais, à la lueur des étoiles, leurs brunes ou blondes têtes. J'entendais le frôlement de leurs robes. J'aspirais à longs traits les émanations mystérieuses qu'elles laissaient sur leur passage et qui m'arrivaient plus enivrantes que les senteurs embaumées du soir. Lorsqu'elles eurent disparu, je me sentis pris d'un trouble inconnu et m'étant assis sur un tertre au bord des prairies qui s'étendaient à mes pieds comme un océan de verdure, je cachai mon front entre mes mains et restai plongé dans une rêverie profonde, écoutant, cherchant à comprendre les bruits confus et les tressaillements qui se faisaient en moi. Ce que j'éprouvais, je ne saurais le dire. Je sentais mon cœur oppressé et prêt d'éclater. Il y avait en lui comme une source cachée qui voulait une issue, comme un flot captif qui cherchait à s'épandre. Je criais, je pleurais, je trouvais à mes pleurs je ne sais quelle volupté. Combien de temps restais-je ainsi? Quand je me levais, je vis à quelques pas devant moi une céleste créature qui me regardait en souriant. Une tunique plus blanche que les lys tombait à plis gracieux le long de son corps et laissait voir sur le gazon, qu'ils effleuraient à peine, deux pieds nus et blancs comme le marbre de Paros. Ses cheveux blonds flottaient en liberté autour de son cou. Ses joues avaient la fraîcheur et l'éclat des fleurs qui couronnaient sa tête. Sur l'albâtre rosé de son visage, ses yeux brillaient comme deux pervenches éclos sur la neige au premier baiser d'avril. Ses bras étaient nus. Une de ses mains reposait sur sa poitrine, tandis que l'autre paraissait m'inviter d'un geste bienveillant. Je demeurai quelques instants muet, immobile, à la contempler. Sans doute elle venait du ciel, car sa beauté n'avait rien des filles de la terre, et je voyais rayonner autour d'elle une atmosphère qui l'enveloppait comme un vêtement lumineux. « Qui donc es-tu ? » m'écriai-je en tendant vers elle mes bras éperdus. « Ami, » répondit-elle d'une voix plus douce que le vent de la nuit, « je suis la fée que le roi des génies endormit dans ton sein à l'heure de ta naissance. Ce matin, j'y dormais encore. Je viens de m'éveiller au premier trouble de ton cœur. Ma vie est faite de ta vie. Je suis ta sœur et serai ta compagne jusqu'au jour où, détachée de toi, comme une fleur fanée de sa tige, je t'abandonnerai au milieu de la route dont nous aurons fait ensemble la première moitié. Ce jour n'est pas loin, jeune ami. La rose qui ne vit qu'un matin est l'image de ma destinée. Pour m'aimer, n'attends pas que tu m'aies perdu, car ni tes pleurs, ni tes regrets ne me ranimeront quand je ne serai plus. Hâte-toi. Ma main n'est armée ni du rameau magique, ni de la baguette enchantée, et je n'ai d'autre parure que les fleurs mêlées à mes cheveux, mais je te comblerai de plus de trésors que jamais fée bienfaisante et prodigue n'en répandit sur un royal berceau. Je te mettrai au front une couronne que bien des rois s'estimeraient heureux d'acheter au prix de la leur. Je te composerai un cortège, tel qu'on voit rarement les palais et les cours. Invisible et présente, je te suivrai partout. Partout tu sentiras mon influence féconde. J'embellirai les lieux où tu devras passer. La nuit j'embaumerai ta couche. Je donnerai mon âme à toute la nature pour sourire chaque matin à ton réveil. Ah, nous aurons de belles fêtes. Seulement, c'est bien que je t'apporte, enfant, apprends à les connaître. Saisis-les avant qu'ils t'échappent. Sache y toucher sans les flétrir, en jouir sans les épuiser. Fais-en provision pour cette autre moitié du chemin que tu dois achever sans moi. Ami, je te l'ai dit, j'ai peu de temps à vivre, mais il dépend de toi de prolonger ma frêle et précieuse existence. Je suis comme ces plantes rares auxquelles il faut ménager le soleil et la pluie. Mes pieds sont délicats, ne les fatigue pas à te suivre. L'éclat de mes joues est plus tendre que la fraîcheur de l'iseron des haies. Si tu ne veux le voir se ternir en un jour, ne m'expose pas aux trop vives ardeurs, ne m'entraîne que sous d'épais ombrages. Veille enfin à ce qu'aucun remords n'empoisonne les regrets. Déjà trop amer, que ma perte te laissera. Que mon souvenir te soit bon, que j'égaye encore ton cœur d'un doux reflet longtemps après que j'aurai cessé d'éclairer et d'échauffer ta vie. À ces mots, comme un ange gardien qui s'incline sur un berceau, elle pencha vers moi sa blonde tête, et je sentis ses lèvres se poser sur mon front, plus fraîche, plus parfumée, que la menthe qui croît sur le bord des fontaines. J'ouvris les bras pour la saisir, mais la blanche apparition s'était déjà évanouie comme un rêve. N'était-ce pas un rêve, en effet? Je continuai d'aller à travers les campagnes, tantôt courant comme un insensé, tantôt me jetant sur le gazon, que je mouillais de larmes brûlantes. Parfois, je pressais contre mon sein la tige élancée des bouleaux que je croyais sentir frémir et palpiter sous mes folles étreintes. Parfois, je tendais mes bras vers les étoiles et leur parlais avec amour. Je parlais aux fleurs, aux arbres, aux buissons. Je sentais en moi un torrent de sève qui débordait de toutes parts et se répandait sur la nature entière. La digue était rompue, la source avait percé le roc. Je riais, je pleurais. Je nageais dans une mer sans bornes de joies inénarrables et de félicités sans nom. Quand l'Orient se prit à blanchir, il me sembla que j'assistais pour la première fois au réveil de la création. Mon cœur se gonfla, j'aspirai l'air avec orgueil, je crus un instant que mon âme allait se dégager de mon corps pour s'envoler, libre et légère, à travers l'espace, mêlée aux molles vapeurs que le soleil levant détachait des coteaux. Du haut de la montagne où j'étais parvenu, je mesurais l'horizon d'un regard vainqueur. La terre venait d'être créée pour moi, et j'étais le maître du monde.